chante. Attends, ça, si, je reconnais. Ouais. C'est Elle préfère l'amour en mer, c'est ça. Je prépare l'émission, en fait. Bah, on reçoit Philippe Laville, j'adore. Mais non, Loïc Perron. Je vois pas le rapport avec la chanson. Bah, tu connais Loïc Perron. Bah ouais, le touriste en barquette, là, Mais non, le navigateur, l'explorateur des mers. L'aventurier contemporain. Ouais, bah, c'est votre genre d'homme, quoi. Bon, ça va, c'est bon. Et oh, c'est un homme qui fait le tour du monde, je te signale. Pour se retrouver au même endroit. Bon, alors, les sujets du jour, qu'est-ce qu'on va traiter? Bah, alors, je pense que c'est le moment qu'on parle de Nicolas Hulot, là. Mais non, c'est le même genre. Si, il faut le pousser à se présenter, là. Faut y aller, là. Mais si, c'est un défenseur de la planète. Un explorateur des océans. Un aventurier contemporain. Oui, c'est votre genre d'homme, quoi. Voilà, bien sûr, lui aussi. Les filles, vous êtes pas concentrées aujourd'hui. Les filles, qu'est-ce que vous pensez de Manuel Valls? Un défricheur de conscience. Un explorateur des nécessités. Un aventurier contemporain. Voilà, c'est votre genre d'homme. Non, mon Dieu. Quand même un éclair de lucidité. Non. Quoique, s'il me le demandait, Manuel Valls... Non mais ça va pas ou quoi, non? Ouais, t'as un petit éclair. Bonjour la France Inter, bonjour aux défricheurs de conscience et aux aventuriers contemporains, et bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui fend la brise de l'actualité, et voici les trois infos qui vont se retrouver à poil à 18h. Il n'y a pas de lien, c'est pas grave. L'homme providentiel pour 2017 n'existe pas, mais il s'appelle Nicolas Hulot. Lui dit qu'il ne veut pas y aller, mais ils sont plusieurs à gauche à le soutenir déjà, dont Danny Cohn-Bendit, et il le lui a dit, hein. Tu as du talent et un certain charisme. Et en plus, t'as les couilles. Quand une région est déclarée patrimoine mondial de l'humanité, le gouvernement bombe le torse, sort les trompettes, mais dans la pratique, la moitié des sites sacrés sont menacés par des projets industriels. L'UNESCO devrait voir avec l'industrie avoir les mêmes principes que Patrick Swayze. Je n'envahis pas ton espace, tu n'envahis pas mon espace, ok? Apprendre la course automobile sur jeux vidéo et puis se lancer dans les 24 heures du Mans, en vrai, bien ça se fait. Il y a juste une manœuvre que les jeux vidéo ne vous apprennent pas, c'est la marche arrière. Alors, un conseil? Déplacez le sélecteur de vitesse sur le chiffre R, mentionné par le petit schéma. Vous pouvez à présent manœuvrer en toute sécurité. Pour m'accompagner dans la manœuvre, Alex Vizorek. Mais écoutez, quand c'est vous au volant, je suis rassuré, Charline Vadenaker. Et je vous présente toute l'équipe qui est à l'arrière sur la banquette. 17h20. Parfois, pour aller d'un point A à un point B, il va tout droit. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, il passe par un point C, un point D, un point E. Et parfois, il arrive à ce fameux point B. Bonjour André Manoukian. Bonjour Alex, bonjour Charline. Je vais vous parler d'un groupe formidable qui s'appelle We Are Match et qui m'a déclenché un tel enthousiasme que je m'aperçois que je n'en parle que dans les trois dernières lignes de ma chronique. Mais, vous savez, l'évocation... C'est dommage parce que vous seriez passé par le point G et ça m'aurait arrangé. Et bien, Charline, on va parler aussi du point G. Ça risque d'arriver. 17h30, alors je conseillerais à notre invité de le prendre sur son bateau. Je pense qu'il passerait par-dessus bord alors qu'on verrait encore le port. C'est Guillaume Meurice, bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Moi, je suis allé à l'Assemblée nationale aujourd'hui pour interroger les députés au sujet du Panama Papers. Et, oh surprise, je suis tombé sur Gilbert Collard, qui m'a dit quoi? L'immigration est un problème, c'est pas faire l'amalgame, c'est vous qui êtes raciste dans votre propos. Et se faire traiter de raciste par Gilbert Collard, c'est une petite légion d'honneur. C'est un bon point. Et à 17h40, l'homme qui n'est plus un homme, c'est un père. D'ailleurs, le petit fait bien ses nuits. Enfin, l'enfant fait semblant de dormir pour être certain que son père ne le berce pas avec des jingles d'actualisique. C'est Thomas VDB, bonjour. Bonjour Alex, bonjour tout le monde. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous parler de l'émission. Hier, j'ai regardé Cache Investigation. Ah, oui. Et de là m'est venue l'idée de vous faire aujourd'hui une page Actualifisc. Et nous sommes accompagnés d'un référent de la République qui vient présider cette émission. Vous êtes né sous le général. Vous traversez pour la première fois de l'Atlantique à la voile en 78 quand Bukowski arrive bourré sur le plateau d'Apostrophe et se dispute avec Cavanna. Vous remportez la Transat anglaise pour la première fois en 92 quand est signé le traité de Maastricht. Ah ouais. Et vous remportez la route du Rhum et battez le record de l'épreuve en 2014, année où l'humanité bat le record de la consommation de Big Mac. Et oui. Et vous? Vous quoi, êtes... Les bonnes nouvelles n'arrivent pas toujours. Vous êtes. Loïc Perron. Oh, oui, oui, oui, mais si, mais si, mais si. J'ai fait Perron. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Ah, j'hyperventile, ça va gonfler la voile. Loïc Perron est avec nous. Alors Loïc Perron, vous reprenez la mer le 2 mai à bord... Il va falloir faire vite. Non ? La mer de qui ? La mer. La mer, ah oui, la d'accord. La mer, qu'on va lancer. Exactement, le 2 mai, c'est exact ? Bien sûr. C'est bientôt. Oui. À bord du bateau d'Éric Tabarly, oui. Pendwick 2, vous allez faire la Transat Plymouth New York. Lui, il l'avait faite en 64. En 27 jours, oui. Et vous voulez battre leur corps, vous voulez pas faire mieux tout. Que lui. Non, non, rien à voir, rien à voir. Non, absolument rien à voir. Non, j'ai envie. Je suis déçu. C'est pas. Non, cette Transat, elle a lieu depuis les années 60, d'accord. Elle a lieu tous les 4 ans, c'était la Transat classique en solitaire anglaise. Éric la gagne en 1964 sur bateau Pendwick 2, vous l'avez dit. Un bateau en contreplaqué qui était délirant à l'époque, qui devient désuet 50 ans plus tard, c'est normal. Oui. Mais il existe toujours ce bateau, il appartient à l'École nationale de voile, il est à Quiberon. Comme tous les Pendwick, il est entretenu, il y a plein de Pendwick, c'est toute la carrière de Tabarly qui s'écrit sur ces bateaux. Il est entretenu à merveille et m'est venue l'idée de retraverser un peu à l'ancienne, il y a quelques années. Ça va faire ma 50e Transat, j'en ai fait déjà beaucoup. Cette Transat anglaise, je l'ai gagnée 3 fois. Je ne la gagnerai plus jamais, bien sûr. Et là, pour la première fois, je vais enfin prendre le départ d'une course en étant sûr de la perdre. Ça fait un plaisir. Vous balader, et en plus, mais ce n'est pas une balade. J'ai envie, par contre, d'utiliser 100% du potentiel de cet outil désuet, mais qui était moderne il y a 50 ans, qui est le bateau d'Éric Tabarly, en hommage à Éric. En gros, c'est comme si vous y un grand prix avec la bagnole de Fanjo. C'est un peu ça. Voilà. C'est un petit peu ça. Et vous ne voulez c'est pas faire mieux que Tabarly? Mais non, parce qu'il n'y a aucune espèce de comparatif. Autant un pilote pourrait le faire, on en parlera peut-être à propos des simulateurs, parce que c'est assez répétitif sur un circuit. Il y a une trajectoire à peu près officielle en fonction de la vitesse. Sur l'eau, on ne sait pas. On sait à peu près quand on part, on ne sait jamais quand on arrive. Tout change sans arrêt, la météo en particulier. Ouais. Alors, vous voulez le faire à l'authentique avec. Il y a juste quand même un GPS, parce qu'il ne faut pas déconner. Bien sûr, je ne veux pas déconner, ce n'est pas mon style de déconner. Mais par contre, je veux le faire à l'ancienne avec sextant. Vous savez le sextant comme le capitaine Haddock. Le capitaine Haddock, qui disait, après des calculs savants, au Dupont, de se découvrir parce qu'il était convaincu d'être au beau milieu de la basilique Saint-Pierre de Rome. Vous voulez faire du bio, quoi, la voile bio? Non, parce qu'il y a un moteur, on peut le rappeler quand même. Il y a toujours un moteur à bord de ces bateaux, c'est vrai, mais on ne va pas le démarrer, sauf pour charger les batteries. De toute façon, je ne veux pas renier du tout ce que j'ai la chance de vivre tous les jours au plus haut niveau dans la Coupe de l'Amérique, par exemple, mais je trouve intéressant de revivre quelques sensations que j'ai eu la chance de vivre pour mes premières transats. Ouais. Vous l'avez dit, quand j'avais 19 ans, j'étais sur un petit bateau de 6,50 m en solitaire, avec le sextant du capitaine Haddock, parce qu'il n'y avait rien d'autre à l'époque, et ce vertige de l'incertitude, c'était beau à vivre. Et pour l'instant, on n'est plus, on sait tous où on est, on appuie sur un bouton, on sait tous où on va, on croit tous où on va d'ailleurs. Est-ce qu'il y a moins de plaisir du coup dans ce pas genre du de tout. Traversée ? Je veux pas du tout renier ce que je fais en permanence, mais je sais pas, j'ai envie de revivre un petit peu ces sensations. Par exemple, il y a la selle de Harley Davidson. Ouais. Ah oui, il y a plein de Tabarly à la table des cartes, elle est toujours là. Ah oui, mais c'est la Sixtine, ce truc. Quand on rentre dans Pendwick 2, pour moi, c'est étonnant. Il y a du bois encore, c'est le bateau, il a 50 ans, c'est Tabarly dessus. Moi, j'avais 4 piges, j'étais avec mon petit seau sur la plage du Pouliguen. Mais il a marqué l'ensemble de la voile française, particulièrement et mondiale, au niveau de l'offshore. Donc quand on rentre là-dedans, on revoit la grande table à cartes sur laquelle on mettait les grandes cartes papier, avec la selle de Harley, qui fait très mal au cul, pour tout vous dire, parce que ça fait quelques jours. C'est pas vraiment une selle de Harley, à mon avis. Mais est-ce que maintenant que vous allez faire une navigation de nouveau avec un sextant, ça vous dira un jour peut-être de renaviguer, mais vraiment à l'ancienne? Je veux dire, au coup d'œil, juste au pied de nez, un peu au pif, comme non, ça. Non, ça se fait pas. Avec le doigt, vous voulez dire mouillé? Ouais, mouiller le doigt, ça se fait. Sur le vent. Mais non, depuis toujours, les marins ont vraiment eu peur de l'inconnu, mais heureusement qu'il y en a qui ont été un peu plus loin. Et puis à chaque fois, on a cherché à se positionner le plus précisément possible. Les fameux sextants, l'horloge était importante. Non, j'ai pas envie d'être perdu, c'est pas ça. Non, mais c'est même casse-gueule. J'ai une forme de dérive en fait. Tiens, je vais me mettre dans le bateau. On est en plein dans cette période un peu vintage sur l'eau parce que je voulais faire ça pour la route du Rhum. On s'était vu justement il y a 2 ans. Oui. L'autre classique Transat française qui part. Ah, vous rappelez que vous êtes venu ? Je me rappelle. Plaisir, Loïc. Vous m'avez laissé un souvenir impérissable. Vraiment. Et c'est pour ça que je reviens d'ailleurs. Bah, tous les 2 ans, c'est pas assez. Merci. D'ailleurs, moi aussi, j'étais là. Hein. C'est bon. Je m'en souviens pas du tout. Oui, je sais bien. Et donc, disais-je. Oui, Loïc. Il y a 2 ans, on parlait de ça. Je voulais refaire cette route du Rhum sur un petit trimaran, oui. En mode vintage, comme ça. Puis ça n'a pas pu se faire parce que je me suis retrouvé sur un gros. Comme Mike Birch, non ? Exactement. Qui est votre maître. Mon maître Jedi. Je vous connais par cœur, Loïc. C'est très gentil. Et donc, en gros, il y a ces deux piliers importants, Tabarly et Birch. Eh bien, je leur rends hommage cette année pour Tabarly. Et dans 2 ans, la prochaine route du Rhum, ce sera Mike. Oh, voilà, Loïc Perron est avec nous. Et je reviens dans 2 ans, promis. Oui, bah évidemment. Voilà. Et vous serez au départ aussi de l'America's Cup cette année au mois bien de juin. Bien sûr, non pas sur le bateau, mais je fais partie d'une équipe du team suédois Artemis. Et la Coupe de l'Amérique a lieu l'année prochaine aux Bermudes, mais on s'entraîne et on passe notre temps à naviguer dans le lagon des Bermudes. Je vous conseille, c'est très beau. Oh, bah je viens avec vous de toute façon. Harper's got a brand new band. Papa's got a brand new bag sur France Inter avec Loïc Perron qui nous accompagne, qui va faire The Transat, hein, you are doing The Transat, Plymouth, yes, New York. Yes, hein, vous prenez la mer le 2 mai à bord du Penduic 2. Et autour de la table, l'équipage d'annule tout. Que du moussaillon, que du moussaillon. Nous avons du Manoukian, nous avons du Meurice et du Thomas VDB aujourd'hui. Ouais, bah dites donc, on est bien barré. Bah ouais, on sait pas où on va arriver. Et on va prendre un petit peu de nouvelles des infos. Hein, bah, bien sûr. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. François Hollande a expliqué au journal Bild que la déchéance de nationalité ne sert à rien dans la lutte contre le terrorisme. Oui, mais quand c'est les Allemands qui font les interrogatoires, c'est toujours plus efficace, évidemment. Sport, la fédération syrienne de football a fait une offre à José Mourinho. Ah, Bachar el-Assad se décide à jouer la défense, donc... Et des brèves. Ah oui, spécial États-Unis, hein, les brèves. Et on commence donc par François Hollande qui a donné une interview au journal allemand Bild et qui déclare « Ce n'est pas en enlevant la nationalité que l'on peut combattre le terrorisme. » Sachez que vous pouvez l'aider, François Hollande. Aujourd'hui, 3 millions de personnes sont directement ou indirectement touchées par la maladie d'Alzheimer. Soutenez l'association France Alzheimer qui se bat à leur côté depuis près de 30 ans. En transition, passons à un autre type de maladie, à Thomas Thévenoud. Oui, selon le Canard Enchaîné, il aurait également omis de payer la cantine de ses filles, Thomas Thévenoud. L'hebdomadaire satirique cite un document de la Caisse des écoles du 5e arrondissement et la facture s'élèverait à 1048,82 euros accumulés depuis 2011. Eh bien, sachez que vous pouvez l'aider. Soutenez l'association France Alzheimer qui se bat à leur côté depuis près de 30 ans. Affaire Panama Papers. Oui, Jean-Marie Le Pen est lui aussi éclaboussé par l'affaire des comptes du Panama. Mais oui, il n'en dort plus que d'un œil. D'autant que la nuit dernière, il a fait un terrible cauchemar. Ah non, le domaine de Montretout est en train de brûler, c'est ça? Pire, il était poursuivi par Élise Lucet. Ouh, quand même, quand même. Gianni Infantino, oui, le nouveau président de la FIFA, serait inquiété par cette affaire. Ah, mais je vous l'avais dit que cet homme avait toutes les qualités pour succéder à Sepp Blatter. Donc, après la crise des migrants, c'est la crise des exilés fiscaux. Nous proposons donc de remplacer l'accord d'Ankara par l'accord de Panama. Oui, pour chaque migrant fiscal expulsé du Panama, un réfugié syrien autorisé à s'y installer. Mais vous êtes une femme de solution, Charlotte Vadenacker, internationale. Avec Zach Goldsmith, l'un des candidats à la mairie de Londres, il s'est pris les pieds dans le tapis lors d'une interview. Oui, interview dans un taxi, assez sympa. Il doit répondre aux questions sur la ville pendant qu'on s'y balade dans Londres. Et comme il veut être maire de Londres, ben c'est normal. Il a loupé la question sur le stade de foot, il a loupé la question sur les métros. Et le présentateur se dit, maman, je vais lui en poser une tranquille, ça va aller. Et il lui demande, où est le musée de Londres? Where is the Museum of London? Museum of London is Le musée de Londres. J'y étais très récemment. Mais je ne peux pas vous donner la route. Oui, la question était difficile. Mais hein. Oui, et sachez que lui aussi, vous pouvez l'aider. Soutenez l'association France Alzheimer, qui se bat à leur côté depuis près de 30 ans. Sport à présent. Oui, la Syrie a proposé à José Mourinho le poste de sélectionneur national d'équipe de foot. José Mourinho passe en moyenne 3 ans à chaque poste. Bah, ça tombe bien, parce que c'est l'espérance de vie en Syrie. En tout cas, s'il fait les matchs à domicile à Raqqa, bah, il va en gagner quelques-uns par forfait, a priori. J'ai une question, pourra sélectionner des joueurs de Daesh? Bah, j'espère bien, parce que si vous mettez à l'avant un mec de Daesh, ça peut donner quoi. Ouais. Football toujours? Oui, avec une exclusion improbable. En première division norvégienne, un joueur a été exclu car il s'est bagarré avec un joueur de sa propre équipe. Mais oui, et Christiane Taubira lui a envoyé tout son soutien, elle qui a quitté le gouvernement dans les mêmes conditions. Et on termine par des brèves. Oui, une banque américaine déclenche l'alerte parce que son chien s'appelait Dash. Bruce Francis a effectué un virement en ligne à destination du promeneur de son chien, Dash, l'intitulé a éveillé les soupçons de sa banque. Mais fausse alerte, évidemment, c'était pas un djihadiste, ce monsieur était juste un chien d'infidèle lui-même. À l'été dernière. Oui, encore, un Américain attaque AB InBev, fabricant de bière belge, car l'Aleph n'est pas vraiment brassée par des moines. Et non, mon gaillard, et la marmotte n'emballe pas le chocolat non plus. Il est 17h25 sur France Inter. Loïc Perron nous accompagne. On va aborder le premier sujet avec vous. L'homme providentiel pour 2017 n'existe pas, mais il s'appelle Nicolas Hulot. Oui, alors, lui dit qu'il ne veut pas y aller, mais ils sont plusieurs à gauche à le soutenir, dont Daniel Cohn-Bendit ou Eva Joly. D'ailleurs, Dany et Eva en ont discuté hier de cette candidature de Hulot. Hein. Oui, écoutez. Fais attention à ne pas confondre son ambition à lui avec ton ambition à toi. Oh là là, mais comment tu me vois, c'est pas vrai. S'il perd les élections? Pourquoi veux-tu qu'il perde? Il a tout pour réussir. Il est beau, il est gentil, il est intelligent, il est bon camarade. Oui, mais si par hasard, malgré tout ça, il perd les élections. Tu crois que j'ai fait une connerie? Non, mais je dis juste que s'il perd, avec tout ce que tu lui as dit sur ses innombrables qualités, ça va être terrible à vivre pour lui. Oh, ça c'est sûr, il va pas comprendre. Quand même. Oh là là là, t'as raison. T'as raison. C'est une catastrophe. Il faut absolument le pousser à ne pas se présenter. Fais pas ci, fais pas ça. Ah, parce que je croyais qu'il avait perdu son accent un peu. Loïc Perron, vous qui prenez souvent le large, est-ce que vous regardez la politique un petit peu et de loin et de près à la fois? Ça vous dirait, vous, que Nicolas Hulot se présente, par exemple? Pourquoi pas? Il va y avoir enthousiasme en tout cas. Non, j'aime beaucoup et ce serait une alternative évidemment intéressante, voire même pourquoi pas agréable, mais il va y avoir beaucoup de monde, ça va être un sacré bordel de toute façon. Et puis les gens qui se font pousser, c'est pas très confortable comme situation. Ouais, ouais. Donc vaut mieux être indépendant, ce qu'il l'est, forcément. Mais j'aime pas la récupération, j'aime beaucoup justement l'illustration sonore que vous avez faite, parce que ça correspond exactement à la réalité dans beaucoup de cas. Mais c'est important qu'il ait du soutien quand même, s'il y va. Donc évidemment, c'est tout le paradoxe, c'est quelqu'un de trop soutenu, on n'a pas envie de l'aider, et inversement... Oui, c'est vrai, on a ça fait l'effet inverse. Et oui, c'est ça, il faut se méfier de ses amis dans ces cas-là, paradoxalement. Ouais. Et c'est son gros problème, il l'a déjà vécu une première fois, et malheureusement, il faut bien choisir ses amis, parce que ses ennemis... Alors, il a un côté très très fédérateur, comme ça, et, oui, apparemment, et on ne sait pas si la primaire à gauche, elle va avoir lieu, parce qu'ils sont tous tellement divisé, qui se raccroche à lui, à l'homme providentiel. S'il y a bien une notion, par contre, qui ne pourrait pas être seulement l'apanage de la gauche, c'est l'écologie. C'est ça ce qui malheureusement chagrine toujours. Et d'autant plus qu'on s'aperçoit vraiment que la gauche s'en occupe extrêmement mal. Donc elle aurait beaucoup de mal à justifier le fait qu'elle en soit la seule détentrice, sous prétexte de valeurs morales apparemment bizarres d'ailleurs. Ouais. Donc ça, ce serait pas mal. Et Nicolas est peut-être un peu entre les deux, et entre deux chaises, comme malheureusement tout ce qui veut être bien placé. Parce que l'idéal, c'est comme la tactique en mer, vous savez, il faut les extrêmes, ça marche pas toujours très bien. Vous qui, comme lui, aimez prendre le temps d'être en fusion avec la nature, de temps en temps prendre du recul sur les choses, est-ce que vous imaginez que pendant 5 ans, ce soit impossible de le faire? Parce que si, éventuellement, il était président, ben, on n'a plus cette liberté d'avoir ce recul-là. C'est vrai, mais il faut être sérieux, malheureusement. Et le sérieux, malheureusement, nous empêchera d'avoir quelqu'un comme lui aux commandes. Le français est trop sérieux, voilà. Devant l'urne? Oui, mais en tout cas, mais beaucoup trop. Mais ça fait peur, si tu sors pas de l'ENA ou je sais pas trop quoi. Tu ne peux pas être capable. Donc le problème, c'est que le français est complètement con. S'il n'y avait que le français, ce serait une bonne nouvelle pour le reste du monde, mais malheureusement, on dit souvent, nous sommes plus nombreux que ça. On dit souvent, Loïc Perron, qu'un président doit savoir garder un cap, on le dit beaucoup pour François Hollande, tout en traversant des tempêtes, etc. Toutes ces métaphores de navigation, vous qui êtes véritablement navigateur, vous les trouvez appropriées? Ça vous fait marrer quand vous entendez ça? Quand ce sont de bons marins, oui, mais malheureusement, ils ne le sont pas. Ils gardent un cap pour montrer le chiffre du cap à la foule en délire, mais pas du tout avec la vision à long terme qui serait indispensable. Un marin pense à long terme en permanence, c'est pas le cap du moment qui est important. Ouais. C'est justement de se dire, je vais essayer de finir un parcours, même si la tactique et la stratégie que j'emploie aujourd'hui va plaire à personne. Mais je sais que je veux aller au bout, c'est le long terme qui nous intéresse. Les banquiers devraient le savoir, malheureusement, ils ne le savent pas non plus. Les politiques non plus. Oui. Il y a du calcul, mais est-ce qu'il y a de l'instinct aussi? Bien sûr qu'il y a de l'instinct. Il y a de l'envie, il y a de l'opportunité, évidemment, en fonction des conditions météo changeantes, j'entends bien. Mais on n'est pas là pour plaire aux autres, on est là juste pour dire... Il y a une autre chose intéressante chez les marins, c'est qu'on n'a pas le droit de dire stop. On est obligé de continuer, mais quand on en a marre. On est obligé d'emmener tout son équipage et tout son bateau dans au meilleur... à la vitesse la plus rapide, pourquoi pas, à la meilleure, ouais. au meilleur rendement possible. C'est plutôt un terme un peu banquier, mais... C'est assez étonnant, hein. C'est la vision à long terme qui est indispensable aux marins et qui manque cruellement à l'ensemble de nos politiques, je trouve. Et voilà la vie d'un marin sur ces métaphores politico... Mais d'ailleurs, ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas vivre à long terme. Parce que un double quinquennat, c'est une connerie. Je trouve qu'il vaudrait mieux un vrai septennat, mais un seul, point barre, après t'as fini. Après, les fameux... Enfin, l'ensemble du système qu'on a instauré depuis 50 ans maintenant, depuis quelques républiques, n'est pas idéal. Ni pour eux, ni pour nous. Faut changer ni pour de les voitures. Votants, ni pour les fameux élus. André Manoukian. Oui, alors moi, je vois que vous buvez les paroles de Loïc Perron. Mais oui, parce que moi aussi, quand je m'embarque avec une chanteuse, je suis obligé d'aller au bout. Je te remercie, je suis une chanteuse. J'essaie de faire la métaphore. Oui, entre un capitaine de bateau et un capitaine de studio. Alors voilà, la semaine dernière, je parlais du multiple et des paliers qu'il faut construire pour aller à l'un, hein, en citant Jankélévitch et Platon. Aujourd'hui, je me souviens très bien. Il y a même eu deux thèses à Sciences Po depuis votre chronique. C'est la vanne la plus rigolote que j'ai jamais entendue d'Alex. C'est pas une interro écrite, hein, non, non, pas aujourd'hui, on va découvrir que le multiple peut être un en citant Aimé Jacquet. Ah oui, connais, bien sûr. Alors, le groupe que j'ai pris en otage cette semaine s'appelle We Are Match. En anglais, ça veut dire « on s'entend à merveille ». Ce sont de jeunes musiciens français, 25 ans d'âge moyen. Et alors, ce qu'ils ont de particulier, c'est qu'ils revendiquent l'absence de leader. Tous chantent, tous jouent de plusieurs instruments et tous font les textes. Aurélien, l'un d'entre eux, déclare « quand nous avons commencé à travailler ensemble, on a ressenti une telle impression d'entité que ça nous a dicté notre nom, We Are Match. L'agrégat des cinq a donc donné un être, un corps homogène, animé d'une vie propre. » Petit flashback. Nous sommes en mai 68 en France, le dernier soubresaut avant la grande victoire du capitalisme. Parmi les groupes gauchistes qui fleurissent et leurs joyeux slogans, je vais juste vous les rappeler pour vous tirer une petite larme de nostalgie, comme quand on s'arrache un poil du nez. Tu sais, sous les pavés la plage, il est interdit d'interdire, jouissez sans entrave, cours camarade, le vieux monde est derrière toi. La vie est ailleurs, élection, piège à con. Il y a un seul des slogans qui semble toujours d'actualité, c'est celui-ci. Marx est mort, Dieu aussi, et moi-même, je ne me sens pas très bien. C'était plus inventif que tu sais où on te la met, t'arrêtes pas. Il y a CRSSS qui est toujours d'actualité aussi. Oui, alors parmi ces nombreux groupes gauchistes, donc les Anars, les Mao, les Spontex, les Stirneriens, les Néostales, les Trotskistes, les Lambertistes, les Léninistes, moi ce que je préférais c'était les Trotskistes, les meufs, elles étaient les plus modernes. Les Guevaristes, mais c'est vrai, il en est un qui avait une pratique extrêmement intéressante, les situationnistes. Lors d'une AG, il repérait le gars qui parlait bien, qui semblait avoir du charisme, alors il le soutenait, jusqu'à ce qu'il ait suffisamment d'ascendant pour devenir un leader. Et à ce moment-là, bim, il le dégommait pour en soutenir un autre, pour qu'il devienne leader à son tour, pour le combattre aussitôt au bénéfice d'un troisième et ainsi de suite. Tout ça pour que la foule s'aperçoive qu'au bout du compte, elle aurait peut-être pas besoin de leader. Vous voyez l'exemple ? Autre exemple de corps multiple. C'est ce qu'on essaie de faire avec Charline, mais... Autre exemple de corps multiple, les égrégore. Un égrégore, c'est la projection spirituelle d'un groupe. C'est l'esprit d'une collectivité. Alex, Guillaume, quand vous êtes sur scène et que la foule rit comme un seul homme, je vais répondre, moi. Vous le sentez, cet esprit collectif, que vous pouvez retourner comme une crêpe tellement vous êtes de fin arrêteur. Alain Cuny, cet immense acteur qui joue entre autres dans Les Visiteurs du Soir, raconte qu'un soir au théâtre, à force de répéter le même texte, il sortit de son corps pour entrer en contact avec l'esprit du public. Récemment, des biologistes, en étudiant un banc de poissons, arrivent à une conclusion étonnante. Quand on observe le banc, on voit un nuage animé, les poissons tournent simultanément dans la même direction, ils se dispersent soudain sous l'effet d'une menace pour se reconstituer en groupe. Ça, Loïc Perron n'a jamais vu. En étudiant chaque poisson séparément, ils se rendent compte que les poissons de devant ont une vision plus développée, que les poissons du milieu répartissent le plancton, que les poissons du côté ont la ligne latérale plus développée pour écouter les sons, à tel point qu'ils ont décidé de classer ce banc comme un seul être singulier. Voilà comment un groupe fonctionne lorsque les individus qui le composent font corps et sont animés du même esprit, comme nous autour de Charline, quand on est tous, quand on fait tous corps. Voilà pourquoi les anglo-saxons. J'espère que c'est pas un banc de morue parce que je vais mal le prendre. Voilà pourquoi les anglo-saxons sont meilleurs au jeu musical. Parce que nous, les latins, on a plus d'ego, on a moins le sens du collectif, et c'est pour ça qu'on s'engueule tout le temps que la France est un pays ingouvernable. Alors, on va les écouter, ces musiciens français qui ont réussi la fusion, eux, comme les petits poissons d'un banc. Et d'ailleurs, leur chanson, ça tombe bien, s'appelle The Shark. Vous êtes sur France Inter. Match, c'est André Manoukian qui nous a fait découvrir ce banc de sardines. Ce banc de sardines, et c'est un petit peu notre histoire, Charline. We are match aussi. Oui, ah. Sur France Inter, avec Loïc Perron qui va prendre la mer le 2 mai sur Pendwick 2 pour The Transat, Plymouth, New York. D'ailleurs, Loïc Perron, comment est-ce qu'on peut vous suivre à partir du 2 mai? On a envie de savoir votre progression, tout ça, comment on fait? Bien sûr, sur plein de choses. Sur le site The Transat, vous trouvez ça, thetransat.je-sais-pas-trop-quoi. Vous pouvez suivre aussi sur sailing-legends.com ou loïcperron.com. J'ai fait un petit site internet de mes petites mains en plus. Ah oui. C'est assez. Et donc là, on peut vous suivre. Il y a plein de choses. On est positionné en permanence, mais moi, je fais pas partie du jeu une fois de plus. Il y a quatre classes qui vont courir, les grands trimarans en solitaire avec des François Gabart, des Thomas Coville, des gens comme ça. Il y a les IMOCA, les bateaux du Vendée Globe qui vont courir. Il y a quatre classes différentes, un peu comme dans le Dakar. Il y a des camions, des voitures et des motos. Voilà. Mais ne vous gourrez pas sur internet si vous tapez The Transat. On se retrouve vite avec un siège pour jardin. Oui, exactement. Ça, c'est pas. Et voilà, c'était important. important de le préciser, parce qu'on est sur le service public. Service public, hein, et pas de quiproquo, souvent. C'est ce qui peut arriver aussi dans les chroniques de Guillaume Meurice. Ah, attention, pas d'amalgame, pas de quiproquo. Non, mais là, aujourd'hui, je suis un peu embêté, parce qu'il faut que je vous avoue, en fait, un truc. En fait, j'ai fait un voyage il y a quelques années au Panama. un peu emmerdé, parce que j'étais pas tout seul. En fait, je suivais un copain à l'époque, Patrick, un copain de Levallois. Que vous connaissez Balkany, il s'appelle, n'est-ce pas important. En fait, Patrick, il m'avait bien dit ça, il a raison. Hein. Il m'a dit, quand tu vas à l'étranger, il ne faut pas garder une grosse somme d'argent dans sa poche à cause des vols. C'est un gars qui connaît vachement les vols, Patrick. Donc, on a été déposer de l'argent à la banque et en partant, on a oublié de le reprendre. Alors là, Patoche, il m'avait dit à l'époque, t'inquiète, c'est pas grave. Moi, j'oublie tout le temps, ça ne pose pas de problème. Mais là, avec cette affaire de Panama Papers, là, je flippe un peu. Je me dis, mais putain, mais depuis quand les journalistes font leur boulot, quoi ? Avant, je regardais les médias et puis souvent, je me disais, tiens, des paillassons avec une carte de presse, c'est rigolo. Mais là, je flippe. Alors, pour essayer de me rassurer, je suis allé ce matin à l'Assemblée nationale pour interroger les députés. On commence avec Thierry Mariani, député Les Républicains. Alors lui, il m'a rassuré direct parce qu'il n'a pas été choqué du tout par l'affaire. Franchement, un prestataire du Front National, on le connaît depuis longtemps. Cahuzac, on le connaît depuis longtemps. Un ou deux autres élus cités qu'on connaît depuis longtemps. Heureusement, Balkany, rien de citer. Neuf. Ce que vous citez, enfin voilà, rien de neuf. Quoi. Vous ne voulez pas le citer. Mais vous l'avez fait, attendez, vous faites mon boulot à ma place. Voilà. Vous avez cité Cahuzac et pas Balkany. Bon, écoutez, je dis des élus qu'on connaît, qu'on a déjà cités. Enfin bref, non, sérieusement. Non, mais soyons sérieux, c'est pas une raison pour oublier de citer les copains. Un petit peu de promo, ça fait pas de mal à Patrick Balkany. Bon, alors pendant ce temps-là, au PS, on s'interroge beaucoup. Par exemple, la députée de Paris, Annick Le Petit. Je me demande comment ils font tous ces gens pour avoir autant d'argent à placer comme ça. Moi, je suis assez étonnée, mais non, j'en ai pas. Il y en a qui sont députés. Non, franchement, alors faut arrêter avec ce que gagnent les députés, parce que vraiment, nous aussi, on a des rôles importants à jouer quand même. Hein. On fait des lois. Oui, non, il n'y a pas de problème, pardon. Enfin, voilà, ils font des lois, pas pour lutter contre l'évasion fiscale, mais bon, sinon, pour voter pour les frites à la cantine ou traquer les fraudeurs du RSA, il y a des lois, donc ça bosse. Je ne remets pas en question le salaire des députés. Moi, je veux juste me rassurer, moi et les gens qui sont sur cette liste, parce que ça peut devenir grave. Imaginez qu'un jour, il y ait une vraie loi pour protéger les lanceurs d'alerte. Qu'en pense le député Les Républicains, Lionel Tardy ? Oui, mais il y a déjà des choses qui sont faites. On peut aller plus loin, mais il y a déjà des choses qui ont été faites dans ce domaine-là. Donc, par exemple, Snowden, il a demandé l'asile politique en France et il a été refusé. Oui. Vaste sujet, mais bon, je crois que les choses sont faites, les révélations ont été faites, donc maintenant, ça va pas forcément changer grand-chose. Donc, mais du coup, ça protège pas vraiment les lanceurs d'alerte si on leur refuse l'entrée. Oui. Vraie question, oui. Je sais pas, c'est une vraie question. Ah bah, c'est une vraie question. C'est une vraie question, c'est difficile. La mienne. Oui, c'est la vôtre, mais c'est difficile de trancher. Ah bah non, François Hollande, il a tranché, hein. Il a dit à Snowden, non, c'est mieux que tu viennes pas, sans déconner, c'est mieux que t'ailles vivre dans une vraie démocratie. Du coup, Snowden, il est parti se planquer, où ça ? En Russie. Oui. Voilà. Ah, ben moi, je dis bravo la France, hein, fidèle à sa devise, liberté, égalité, et la marmotte aimait le chocolat, dont on cure. Enfin, je suis un peu très bien les terres. Non, parce que ce qui m'importe aujourd'hui, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est la montée de l'extrême droite en France, parce que eux, on le sait, ils sont vraiment intègres. Et ce qui m'a rassuré direct, c'est la présence de l'extrême droite française sur les listes Panama Papers. Bonjour Gilbert Collard du Rassemblement Bleu Marine. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Bah, je pense qu'il y a une injustice médiatique énorme dans la mesure où deux prestataires du Front National sont concernés. Le Front National, ils ont dit que c'était pas un parti comme un autre. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça ? Mais le parti n'est pas concerné. Vous voyez, dans votre questionnement, il y a tout l'inconscient maléfique. Il a bien senti l'inconscient maléfique de mon questionnement. Mais moins l'inconscient maléfique du montage financier panaméen qui a servi donc à Marine Le Pen de payer la communication de ses campagnes. Alors, est-ce qu'il pense que le Front National est un parti qui a toujours, hein, comme ils disent, les mains propres ? Peut-on avoir les mains sales quand ce qu'on fait est légal ? Ah bah donc vous assumez alors. Le Front National est un peu mouillé dans cette histoire. À quel moment ai-je dit que le Front National était mouillé ? Mais si vous dites que c'est légal, ça veut dire que vous assumez ? Non, je réponds à la question que vous posez en me disant, c'est pas illégal, c'est immoral. Je vous dis, nous ne sommes pas des professeurs de morale, ce qui compte, c'est la loi pénale. Ah, donc le Front National n'est pas un parti moral ? Mais non, occupez-vous des Républicains un peu. Dis donc, Gilbert, la délation. Non, me pousse pas à faire des généralités sur les traditions françaises, la délation, l'extrême droite, tout ça. Non. Hein, tu connais, Gilou, mon inconscient maléfique, donc pas de généralité. D'ailleurs, au Front National, on a horreur de quoi ? Nous, on a horreur des amalgames parce que c'est la preuve de la connerie la plus totale. Et le Front National, on sait, ne fait jamais d'amalgame. Quand avons-nous fait des amalgames ? Mais jamais, jamais, absolument jamais. À part sur les immigrés, les musulmans, les juifs, les homosexuels, les communistes. Mais sinon, jamais, jamais d'amalgame. Donc, je vous en prie, ne faites pas d'amalgame non plus avec tous les gens de cette liste. Hein, ne dites pas, par exemple, que ce sont tous des pauvres connards. Enfin, en tout cas, pauvres, c'est certain qu'ils ne le sont pas. Guillaume Meurice sur France Inter, avec notre invité Loïc Perron, on va aborder le deuxième sujet. C'est la moitié des sites naturels classés par l'UNESCO qui sont menacés par les activités industrielles. En gros, ça ne semble pas servir à grand-chose de courir après le titre de patrimoine mondial, si c'est pour finir en circuit de Formule 1, comme ce pourrait être le cas au Belize. En tout cas, là-bas, les discussions sont en cours. Écoutez. C'est trop petit, il faut que je m'agrandisse. Agrandis-toi, tu adores ça. Ici, il y a le terrain du comte de Mortemont, là. Non, là. Non, impossible. Tu l'as battu trois fois aux élections. Bon, alors il y a le terrain de Madame Bourgoin, là. Mais elle est pas encore morte. Elle est pas encore morte. Non, elle est pas morte. Eh ben, il n'y a plus rien. Ben si, il y a celui-là. Mais ça appartient à l'État. Et alors, ça dépend du préfet. C'est un ami, il peut louer. De la zizanie. Alors, c'est le VVF qui a recensé 114 sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y en a 229, donc c'est la moitié. Des sites qui ont donc une valeur universelle exceptionnelle et qui sont quand même menacés. Par exemple, un site sur cinq accueille dans son périmètre une concession d'hydrocarbures. Donc, être patrimoine mondial de l'UNESCO, ça ne garantit pas leur préservation. Et quand je donnais l'exemple du Belize, vous avez entendu murmurer Loïc Perron, c'est pas vrai. Oui, alors donc sur lemonde.fr, la gigantesque station balnéaire de Puerto Azul à Belize projette de construire une piste de Formule 1 et un aéroport sur le sable prélevé dans la baie. Alors on ne peut être que désespéré, surtout quand on arpente les mers. Non, non, mais c'est vrai qu'il y a des endroits qui méritent franchement d'être protégés. Pour quelles raisons? Parce qu'on a envie de garder un petit peu ça en place. Mais après, il y a d'autres endroits qui ont réellement besoin aussi d'être développés. Mm-hmm. Une grande partie des régions du monde vont se développer grâce aux endroits protégés. Mm-hmm. Parce que s'il n'y a plus rien à voir, il n'y aura pas de touristes, ainsi de suite. C'est vachement complexe. Mais globalement, on est quand même dans une sorte de frénésie depuis un siècle maintenant où de surconsommation. C'est pour ça que notre ami Nicolas Hulot, entre autres, serait pas mal à recalmer. Il n'y a pas de pluie. Ouais. Mais c'est vrai, on bouffe trop de bidoches, on fait tout trop. Tout le temps, partout. On va trop vite sur l'eau, même à la voile. Tout ça n'est pas sérieux, étonnamment. On n'est pas du tout sérieux, là, en ce moment. Est-ce que ça veut dire que vous allez devenir végétarien et arrêter la voile ? Non, mais je ne me mets pas à la vapeur pour autant. Mais les légumes vapeur sont intéressants, c'est vrai. Quand on est navigateur, on est obligé de tout rationner. Donc c'est déjà une école... Mais en tout cas, on a une conscience, et ça ce qui est étonnant chez les marins, on a une conscience de l'énergie. On produit un petit peu d'énergie avec des moyens qui ne sont pas très propres, c'est vrai, mais parfois qu'ils le sont, des hydrogénérateurs, des panneaux solaires, des éoliennes. Et on essaye de consommer le moins possible et d'emmener le minimum de poids et malgré tout d'aller au bout. Donc on a des calculs à long terme, une fois de plus, sur des consommations, des choses comme ça, en respect, si possible, d'autres contraintes. Mais c'est assez drôle. Jeter les sachets comme vous faites par-dessus bord, c'est gênant. C'est vrai. Bon, ça, j'ai arrêté. Carsozon continue, mais moi j'ai arrêté. Vous constatez, en tant que navigateur, la dégradation de l'état des océans? Bien sûr. Ouais, vraiment. Ouais, alors ça, c'est étonnant parce que l'eau, vue d'avion, elle est bleue partout, on est bien d'accord. Et étonnamment, quand on est tout le temps au bord des plages, on est habitué à avoir de la merde dans tous les coins. Et particulièrement dans les endroits qui ont besoin d'être développés, il n'y a pas de conscience écologique dans les endroits qui n'en ont pas les moyens. C'est ça ce qui est incroyable. Il n'y a aucune culture écologique dans les endroits. Vous allez aux Seychelles, il y a des plages qui sont couvertes de plastique, qui sont essentiellement jetées, pas par les touristes qui commencent à être un peu modernisés dans leur esprit, mais par les gens du cru qui n'ont pas cette conscience-là. C'est incroyable. Parce qu'il y a d'autres préoccupations peut-être plus vitales. Oui, mais malgré tout. Alors, il y a un devoir d'éducation, évidemment. Ça passe par l'éducation, l'ensemble de nos problèmes. C'est un manque d'éducation, dans tous les sens du terme. Moi, je pense qu'il nous faudrait un navigateur comme président de la République parce qu'il garde un cap, il voit à long terme, il sait comment rationner. Loïc Perron, président. Non, mais c'est bien sûr. Loïc Perron 2017, mesdames et messieurs. J'ai rien à faire. Bon, ouais. C'est bien. Tour du monde seulement. Loïc Perron qui reprend la mer le 2 mai hein, pour The Transat, Plymouth, New York, mais à bord. Je ne suis pas seul, il y a plein de concurrents. Bien sûr, évidemment. On s'en fiche. Et parmi tous les concurrents, sur toutes sortes de bateaux, lui, il sera à bord du Pendwick 2. Thomas VDB, un petit peu de flotte. Suvectez la bouche avant un jingle ou qu'est-ce qui se passe? On est parti. Yes. Élise le sait. Élise le sait. Elle oublie aucune ligne dans sa déclaration d'impôt. Tu ferais bien d'en faire autant. Voilà, parce que ça se confirme avec chaque nouvelle édition de Cache Investigation. Je regarde, je pense qu'il faudrait faire une sorte de manga ou de dessin animé sur Élise Lucet. Je pense qu'après celui qu'on a regardé hier, plus personne ne pourra jamais essayer de frauder un truc aux impôts de peur peut-être de la voir surgir. Hein, imagine, t'es dans ta cuisine, en train de remplir ta déclaration. Tu vois, non, ça je vais pas le marquer. Puis d'un seul coup derrière les dos, bonjour monsieur, c'est Élise Lucet de Cache Investigation. Là, vous n'êtes pas logique parce que regardez, là j'ai un papier qui dit que là vous avez été touché, mais je l'avais pas marqué sur la déclaration. C'est pas logique. Vous voulez pas répondre à mes questions, monsieur? Et voilà, je pense que rien que pour ça, jamais je n'essaierai de frauder. Voilà, parce que on l'a appris cette semaine, une news hallucinante, hallucinante, des centaines et des centaines d'euros dissimulés dans des paradis fiscaux. Ça occupait pas mal les news ces jours-ci. Alors c'est quand même une bonne nouvelle. Enfin oui, je vais dire enfin, oui, je dirais que c'est quand même la bonne nouvelle, c'est que ça fait un peu oublier Daesh. Hein, rien que pour ça, je voudrais faire quand même des gros bisous à Jérôme Cahuzac. Hein, parce que ça m'inquiète aussi un peu. Du coup, j'ai peur que Daesh dise, je trouve qu'on parle pas beaucoup de nous en ce moment. Mais bon, faut prendre quand même les bonnes nouvelles là où elles sont. Et pour moi, toute occasion de voir Patrick Balkany se faire griller en train de mentir à la télé, bonne à prendre. Hein, je sais pas s'il nous écoute, Patrick Balkany. À mon avis, en ce moment, il est plutôt en train d'essayer de tout annuler. Mais je voudrais qu'il sache, et je suis conscient que c'est peut-être pas très sympa de lui dire ça, mais que c'est bon de le voir se faire coller, rester sur mon canapé hier. Je suis là, la joie. J'en ai encore le goût, vraiment, presque. Mais encore une fois, une pensée pour Jérôme Cahuzac, qui doit se demander pourquoi c'est pas possible d'être fraudeur et ministre du budget, que par contre c'est possible d'être fraudeur et maire de Levallois. Ça peut être un peu dégoûté, mais c'est la vie. Alors maintenant, il faut bien que je reconnaisse que, comme tout le monde, j'ai été un peu outré par les révélations Panama Papers, tout en comprenant quand même pas tout à 100%. Et c'est assez bizarre, j'ai remarqué, d'être scandalisé par un truc qu'on comprend pas complètement. Je suis là, putain, mais c'est abusé tous ces placements. C'est quoi exactement d'ailleurs le truc là? Putain, mais c'est une honte là le truc avec Balkany d'ailleurs, comment ça marche? C'est bizarre d'être scandalisé, on comprend pas. Enfin, j'y comprends pas tout bien, j'avoue. Par exemple, c'est vrai qu'en 3 jours, j'ai jamais entendu autant de fois le mot société écran. Et à chaque fois, c'est pareil, j'ai l'image de Darty qui me vient en tête. Hein, je sais que c'est un peu débile, mais c'est pareil avec le mot offshore, c'est pareil. J'imagine Loïc Perron, vous allez vous faire pareil. À chaque fois, j'ai l'image d'un bateau de course qui fonce dans les vagues. À chaque fois, j'entends le mot offshore. Alors attention, parce que j'ai appris qu'il y a fraude fiscale et optimisation fiscale, c'est pas pareil, parce qu'il y a des fois c'est pas la fraude fiscale, c'est l'optimisation, c'est un petit peu plus alambiqué. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je pense que quand il y en a un qui cherche une combine pour être plus optimiste fiscalement, de l'autre côté il y en a 1 million devant leur feuille d'impôt qui sont de plus en plus pessimistes, en général c'est la règle. Mais le pire moi, vraiment pour moi, c'est tous ces mecs qui sont là avec leurs millions de milliards cachés au Panama, et tu leur dis mais attends, c'est une autre, ils sont là, oui mais c'est légal. Et là, ça me fait penser, les gars, ils vont gratter dans des recoins de légalité, vraiment dans des lois comme ça. Ça fait penser, quand j'étais petit, moi, mes parents, ils avaient un horrible livre qui s'appelait Le Guide de l'Emmerdeur, qui incitait à profiter de toutes les choses légales qu'on avait le droit de faire. Par exemple, il t'expliquait que tu pouvais aller dans une pâtisserie et demander à goûter d'abord, tiens, je vais manger un bout de millefeuille, j'aurais goûté le millefeuille. Voilà, vous voyez, d'accord. Attendez, je vais goûter maintenant un bout d'éclair au chocolat. Vous voyez, d'accord. Et je vais goûter un bout de Paris-Brest. Voilà. Mais finalement, j'ai rien à prendre, je vais partir. Et le pâtissier, là, mais attends, mais c'est un peu abusé. Oui, mais c'est légal. C'est légal. Et là, c'est exactement pareil. Là, ça mélange d'enculerie et de légalité. J'appelle ça l'enculégalité. Alors, voilà. Donc, voilà. C'est pour dire, voilà, aux gens qui travaillent dans les banques et tout, qui nous écoutent, qui font peut-être des montages, je sais pas où, avec des plans épargne logement au Panama. Eh ben, c'est pas parce qu'on est nul en maths qu'on n'a pas vaguement compris ce que vous êtes en train de faire. Attention. Hein. On sait approximativement ce que vous êtes en train de manigancer. Alors, c'est pour ça que ce soir, moi, en tout cas, comme hier, après Cache Investigation, je retournerai à la nuit debout, un endroit incroyable où tout le monde peut échanger pacifiquement sur tous les sujets, la loi travail, voilà, l'agriculture. Hier, les Panama Papers ont fait leur apparition dans les sujets de conversation. On peut prendre la parole sur tous les sujets. Ce soir, j'y retourne pour essayer de vendre un attache caravane de Ford Sierra de 1988. Donc rendez-vous à République si ça vous intéresse. Nuit debout, ça fait mal aux jambes, mais c'est rigolo, et au moins on paie nos impôts. Thomas VDB. Le retour flamboyant. Merci. De yes. Thomas VDB. Merci. Joli. Thomas, quel plaisir de vous retrouver. Vous êtes sur France Inter avec Loïc Perron qui est avec nous. Allez, aujourd'hui on peut apprendre à piloter une voiture de course sur jeu vidéo avant de se lancer sur un circuit. Un geek va d'ailleurs prendre le départ des 24 heures du Mans. Alors voici ce que ça donne évidemment quand un joueur arrive directement à la transition hein, des jeux au départ d'une course sur un vrai circuit. C'est pas évident. J'appuie sur l'embrayage et là je passe la première. Ensuite, je lâche tout doucement mon pied de l'embrayage et j'appuie tout doucement sur l'accélérateur. Et là... J'ai pas calé. Vous avez vu, j'ai pas calé. C'est vrai, c'est mieux. Maintenant, on essaye en mettant le contact. Extrait de Samantha Oups, une pastille qui passait sur France 2 il y a quelques années. Alors, ça s'appelle la Nissan GT Academy et elle forme des pilotes de façon virtuelle, comme sur des jeux vidéo avec des, ce qu'on appelle plutôt des simulateurs, parce que c'est un peu plus complexe, avant de les mettre sur circuit. Vous qui êtes, vous êtes un peu geek, hein, Loïc Perron. Oui, complètement. Je le revendique. Oui, vous le revendiquez. C'est pas une tare, ni une maladie, hein, ça soigne un peu, c'est vrai. Mais... C'est une bonne idée, même démocratiquement. Par exemple, c'est vrai que s'entraîner avec une voiture, il faut avoir un peu de blé pour pouvoir faire ça. Oui, ou... ça se fait beaucoup, mais c'est pas nouveau. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de pilotes de F1 qui révisent des circuits depuis très longtemps. Mais s'entraîner vraiment, par exemple, 2 ans, comme c'est le cas ici, sans ça jamais... Ça se peut. Alors, c'est vrai que quand on n'a pas les moyens, j'imagine... La précision, maintenant, est assez diabolique, hein, pour le coup, de ces écrans. La répétition sur une voiture, un circuit, c'est vraiment précis. On en parlait tout à l'heure. On doit passer à un point de corde, et ainsi de suite. C'est relativement facile, paradoxalement, à faire. Mm-hmm. C'est très difficile à faire sur un bateau. Ça doit être pénible de juste voir la mer dans l'écran. Non, mais c'est pas mal. Et c'est il y a des simulateurs complets de bateaux. Dans le cadre de la Coupe de l'Amérique avec Artemis, on commence tout doucement à travailler en simulateur de visualisation pour des manœuvres, des choses comme ça. Ah, oui. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en ce moment-là, même j'ai un iPad, c'est pas poli, je suis en train de faire quelque chose là, en direct. Je suis en train de régater sur un simulateur en ce moment, sur Penbig 2, en live, contre 15 000 personnes sur Virtual Regatta. Ah bah, si vous faites chier, vous nous le dites. Il y avait un peu de ça, mais je n'osais pas vous le dire, mais voilà. J'allais vous le demander. Et là, vous êtes là. Et la régate est partie, j'ai fait un petit parcours avec le Virtual Regatta, qui est un simulateur de régate communautaire. Il y a des centaines de milliers de personnes qui peuvent jouer. Les Vendée Globe, les Transat, les Routes du Rhum, on peut les jouer virtuellement. Et là, on est en train de courir. Ils courent contre moi. Je suis officiellement dans le jeu sur Penwick 2. Et chacun a son petit Penwick 2. Mais et on se fait un petit parcours. Vous êtes bon ou les Bermudes et New York. Parce qu'il y a moyen de vous battre, peut-être pas. Pour l'instant, je suis 25e. Alors, j'ai intérêt. Laissez-moi tranquille, je dois empanner. J'allais vous demander. Allez-y, sur Virtual Regatta, il est temps. Ouais. Vous pouvez y aller maintenant. Parce moi, que... je peux vous dire, ça fait 2 ans que je joue à Tetris dans cette émission, en fait. Vous avez anticipé mon autre question, vous y avez répondu. Il y a des simulateurs pour les. Il y a des jeux de vidéo pour les courses, le foot, etc. Et ça existe pour la navigation. C'est formidable. Bien sûr. Allez, Loïc Perron, on a un défi, un nouveau défi pour vous. Le simulateur de comédie. À la fin, on propose un sketch à l'invité qui est tout écrit, qu'il découvre. Et vous allez jouer le rôle de Loïc Perron qui a un nouveau... allez, comment dire, un élève. Équipier. Un élève. Ah, moi j'écris quoi équipier. Ah oui, c'est en jaune. Moi. Oui, c'est en jaune. Vous avez un petit candidat qui aimerait bien apprendre à faire du bateau. Bonjour Monsieur Perron, merci de m'accueillir. Bienvenue à bord, Monsieur le Président. Alors l'idée, Monsieur Perron, hein, c'est que vous donniez un petit cours de navigation à Monsieur le Président. Oui d'accord, mais pourquoi? Disons que Mélenchon m'avait traité de capitaine de pédalo. Ça c'est pas un compliment, moi c'est comme ça que j'appelle François Gabart. Ah oui, voilà, bon, et donc j'aimerais pouvoir être un capitaine de catamaran. Parce que vous croyez pouvoir fuir la France comme ça, par la mer? Non, non, je compte gagner en 2017. Ah, parce que c'était pas une blague, ça? Non, monsieur le président veut prouver aux Français qu'il peut mener la barque, hein, donc on a pensé à vous, comme on vous appelle monsieur Multicoque. Oui, j'aime pas trop ce petit surnom. Ah bah c'est mieux que Flamby, hein. Ça c'est pas faux. Mais en général, on débute sur des plus petits bateaux, un optimiste par exemple. Optimiste, ça je laisse à Jean-Marc Ayrault. Ah, vous êtes drôle. Bon, allez, venez. Si, prenez la barre. Oh là là là, je le sens pas. Alors là. Faites attention, hein, François. Alors attention, sur un bateau, on dit bâbord et tribord. Oui, ça les gens confondent toujours, hein, bâbord et tribord. Moi j'ai déjà du mal avec gauche et droite. Ouais, ça c'est pas faux, mais vous voulez aller où? Je sais pas, le Panama, c'est loin. Oh, vous êtes drôle. Bon, le vent tourne, monsieur le président, vite, hissez le foc et attrapez ce winch. Mais c'est n'importe quoi qui est écrit, c'est bon, c'est pas grave, pardon, allez, attrape-le je si tu peux. Je comprends bien, c'est normal du coup. Pardon, vous dites? Oui, là, bon, vous tournez cette manivelle et plus vite que ça. Mais c'est le président, on lui parle pas comme ça. Mais enfin. Si, il intéresse manier, je peux te dire. Ah, pardon. Au contraire, c'est mon subordonné. Si je lui parle avec trop de respect, ben, je viole la nouvelle loi travail. Capitaine! Oui. Non, le vrai. Ah, pardon, je me prends au jeu. Qu'y a-t-il? Oh. Ben, regardez! Un jet ski! Oh là là, mais c'est Emmanuel Macron! Mais il est pas censé conduire des autocars, lui! Ouais, mais ça flotte moins bien, monsieur le président. Ouais. Salut Manu, ça va? Ah, vous le connaissez? Bah, bien sûr. Moi aussi, j'ai commencé ma carrière chez Rothschild, ils ont financé mes premiers bateaux. Il ne dépasse à tribord, hein, monsieur le président. Ah, quoi, par la droite? Je savais que je pouvais pas lui faire confiance. Ah, c'est comme moi avec Gabart. Bon, bah, finalement, je vais retourner à mon pédalo, moi. Merci Loïc Perron. Merci. C'est ça, il va venir le président. Ouais, j'avais encore une question pour vous. Vous reprenez la mer avec Penwick 2 pendant la Transat. Donc c'est le 2 mai. Alors vous avez la gentillesse de venir nous en parler, etc. Généralement un acteur il vient nous parler de son film, un romancier de son livre. Vous pourquoi est-ce que vous venez parler de Penwick 2, de votre course? Vous n'avez pas trouvé tous les financements ou tout va bien? J'ai pas. Non non non. Mais c'est surtout parce que c'est étonnant de pouvoir vous parler d'une course que je suis sûr de ne pas gagner. C'est beau. C'est un miracle. miracle absolu de communication et de partage. Il y en a beaucoup d'autres. On s'est invité au lendemain d'ailleurs pour le coup. C'est chouette. Voilà, donc c'est pas de la promo, c'est que du bonheur. Mais quand vous voulez. Merci Loïc Perron. C'est un vrai plaisir les enfants. Donc voilà, on pourra vous suivre via votre blog, votre site internet, en geek que vous êtes, à bord de Pendwick 2. Puis on suivra bien sûr The Transat, Plymouth, New York. The Transat à partir du 2 mai. Et puis l'America's Cup en juin dans les Bermudes. Voici le mot de la fin qu'on laisse à Eva Joly et Danny Cohn-Bendit qui poussent Nicolas Hulot à se présenter en 2017. Pourquoi veux-tu qu'il perde ? Il a tout pour réussir. Il est beau, il est gentil, il est intelligent, il est bon camarade. Oui, mais si par hasard, malgré tout ça, il perd les élections. Oh là là, t'as raison. C'est une catastrophe. Il faut absolument le pousser à ne pas se présenter.